Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Fabrice Mazlia, oui. Bonjour, merci à vous de nous prêter un peu de votre temps. Nous allons parler d'un projet que vous connaissez bien, puisque vous en êtes le concepteur peut-être, de Garden State, en charge en particulier de la direction de la création de ce rendez-vous éphémère auquel vous nous invitez, avec un beau projet, transformer le Théâtre 95 à Cergy-Pontoise en oasis de verdure, voire en zone verte artistique temporaire. Alors effectivement, cette réflexion m'amène à l'idée suivante. L'homme n'a pas le choix, il doit se réconcilier avec la nature. Il suffit de voir toutes les actualités qui pèsent autour de nous aujourd'hui. Il y a une réelle urgence. Est-ce que votre proposition artistique est un acte écologiste? Je vais dire plutôt indirectement. À la base, c'était plutôt un acte social. Un acte pour regrouper une communauté peut-être qui n'est pas si habituée à venir dans un lieu de culture ou un théâtre. La nature est forcément importante dans ce projet, le rapport que l'être humain a avec la nature chez lui. Bien sûr, ça peut amener à comprendre ou avoir un meilleur rapport avec les plantes ou comprendre l'importance et l'effet que ça peut avoir sur une communauté, justement sur un ensemble de personnes qui se réunissent. Mais à la base, ce n'était pas forcément une revendication ou un acte biologique. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un contexte qui va peut-être prêter une attention renforcée, parce qu'on parle effectivement d'un jardin éphémère et partagé, et on sait que les Français, et ici à Cergy-Pontoise particulièrement, on est de plus en plus sensibilisés à ces sujets. Alors quand vous dites que ce n'est pas simplement une initiative que l'on pourrait qualifier d'écologique, il y a aussi, avant cela, remettre un petit peu plus de lien entre les êtres vivants. Oui, exactement. Le projet a été conçu à la base pour un théâtre à Francfort où je suis basé, qui fêtait ses 25 ans. Et nous étions résidents à l'époque dans ce théâtre. Ils nous ont donné carte blanche pour faire un événement en l'honneur de cet anniversaire. Et on a décidé de réoffrir l'espace. Je dis réoffrir parce que l'espace culturel du Mouson de Tourme, donc ce théâtre dans lequel le jardin a été créé, a eu le droit d'exister grâce aux habitants du quartier et de la ville qui se sont réunis à l'époque, parce que c'était une vieille usine, où le bâtiment devait être détruit, et qui ont décidé de le squatter et d'y rester jusqu'à que ce lieu puisse devenir un lieu pour tout le monde, un lieu culturel, un théâtre. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces gens qui n'y sont pas forcément revenus, le théâtre étant parfois un petit peu peut-être austère pour certaines personnes, difficile d'accès. Donc on a voulu redonner le théâtre un espace libre où les gens puissent y venir, y redormir, y passer de longues heures ensemble et puis sans forcément une attente, sans forcément des activités complexes ou qui demandent un ticket ou une heure de rendez-vous spécifique. Et vraiment le souhait est de regrouper ces gens-là, de regrouper différentes sortes de personnes et qu'on se retrouve tous ensemble dans un lieu qui est à la base un théâtre mais qui est devenu effectivement un jardin collectif. Et pour cela, qui était créé par tous ces gens. Donc les plantes ne sont pas des plantes qu'on loue ou qu'on va chercher quelque part, mais c'est des plantes que les gens nous prêtent. On fait du porte-à-porte, on va leur demander s'ils sont bien d'accord de participer. Et donc toutes les pièces du jardin font partie des gens du quartier, de leur appartement, de leur chez-eux. Je crois que ce porte-à-porte, vous l'avez qualifié de scouting, c'est ça ? Scouting, ouais. Scouting, pardon. Alors, projet participatif, c'est ce que nous indiquons à nos auditeurs. Oui, les habitants du territoire ont été directement associés. Ils sont d'ailleurs, au cours de ce mois de septembre, invités pour cette collecte des plantes à domicile, comme il vient d'être dit. Cependant, on parle d'une installation mobile qui a été conçue par le collectif artistique Mamazar, qui est composé de différents artistes, avec vous. Oui, c'est un collectif qui était à la base créé par trois artistes, Ioannis Mondafonis, Maizari et moi-même, et qui a eu cette résidence à Francfort, à l'époque où le jardin était créé. Et ce dispositif a été élaboré en collaboration avec une école d'architecture Städel Schule à Francfort. Et c'est un dispositif en fait qui permet de recréer l'espace et de déposer les plantes dessus pour créer différents niveaux et organiser un espace qui n'est plus une boîte, mais vraiment comme une espèce de méandre et de forêt. Et une partie de ces boîtes, on va dire, de cette construction est faite de plateformes sur des roulettes qui peuvent se déplacer. Donc une grande partie du jardin est mobile et peut être reconstruit, reconstitué, en recréant des petits îlots ou des petites constellations de plantes à la façon dont les gens le désirent. Il faut dire à nos auditeurs que ce projet a déjà vu le jour, comme vous l'avez dit à Francfort, c'est ça, qu'il a été proposé aussi dans différentes villes au monde, je pense à Madrid, Venise, Hambourg et Buenos Aires. C'est la première fois qu'en France, que ce projet de Garden State va être partagé avec le public, avec les habitants. Oui, c'est la première fois en France, ce qui est vraiment chouette. Et on l'a fait, je pense, déjà une dizaine de fois. Et à chaque fois, c'est différent, c'est complètement différent. Donc, le jardin est éphémère dans sa conception et dans sa réalisation, dans chaque lieu, dans chaque ville qu'on découvre. Et c'est une, aussi une collaboration très importante avec le lieu, avec le théâtre, avec les besoins du lieu qui sont à chaque fois extrêmement différents. Parfois, nous ne l'avons pas forcément fait dans des théâtres, ça a été fait aussi dans d'autres lieux, pour des festivals, dans des lieux plus alternatifs. Et à chaque fois, on est en dialogue très serré avec le théâtre ou l'organisation qui nous invite pour comprendre qu'est-ce qui est important de mettre, on va dire, la loupe dessus et comprendre comment le jardin peut exister à travers ces gens-là, les gens qui sont dans le quartier, dans les environs. Alors, véritable hommage au monde vivant, assurément, du végétal à la sphère humaine, comme vous venez de le décrire. C'est vrai que cette oasis de verdure aura une fonction, un rôle particulier pour l'accueil de spectacles, de concerts, d'ateliers de découverte. De nombreuses rencontres artistiques vont nous être présentées dans les minutes à venir sur RGB. De nombreux rendez-vous festifs, détente, convivialité. C'est un ensemble qui va falloir à la fois, si vous allez devoir vous approprier les lieux, les volumes différents de ces lieux, donc s'adapter nécessairement au Théâtre 95 ici à Cergy-Pontoise. Oui, absolument. Donc, comme je viens de le dire, on a été en dialogue avec le théâtre pour comprendre comment on peut faire vivre ce lieu qui a un programme finalement assez complet, assez divers, assez varié, qui va de la musique aux lectures, aux conférences, aux petits workshops de différentes sortes et qui tente à amener différentes personnes à venir et à participer. Ce qui est vraiment chouette, c'est quand les gens viennent et ils passent vraiment une journée entière, on peut y boire quelque chose, on peut y manger, on peut amener son pique-nique, on peut venir y lire un livre, il y a des livres à disposition aussi. Donc c'est un lieu où on peut vraiment passer un bon moment et voir la transformation qui s'y opère. Il y a aussi une composition sonore et une composition de lumière qui représente un peu l'aspect naturel, donc des sons de la nature, des animaux, des plantes. Et la lumière aussi qui recrée le soleil, donc du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Donc l'atmosphère est vraiment différente et les activités sont différentes. Il y a aussi des activités qui sont ouvertes, genre une qu'on appelle le micro ouvert, open mic, où les gens peuvent venir y jouer quelque chose, prendre leur guitare, lire un poème, proposer une discussion. Donc c'est un lieu où vraiment les choses peuvent émerger, se passer. On peut aussi rester tranquille dans un coin, prendre son temps, observer, rencontrer d'autres personnes. Et donc, vraiment, ce jardin peut aussi aider à cacher, mais aussi aider à ouvrir, à créer des liens entre des personnes peut-être qui ne se connaissent pas ou qui ne viennent pas forcément dans ce théâtre. Merci d'avoir donné l'envie à nos auditeurs de vivre et de partager cette expérience, car oui, c'est une expérience particulière, artistique, comme on a bien compris, mais bien au-delà de l'artistique, comme on l'entend généralement. Là, effectivement, vous décrivez un espace idyllique, je ne sais pas si le mot conviendra, qu'il faudra investir seul, en famille ou entre amis. Merci Fabrice Maslia, merci à vous pour découvrir cette Garden State et avec votre Garden Team à vos côtés. Eh bien, il faudra se rendre au Théâtre 95 à Point Commun, la scène nationale de Cergy-Pontoise, du 20 au 29 septembre et c'est d'ici quelques jours. Merci à vous. Grand plaisir. Merci.